Ah, enfin! 4 mois après l'arrêt des travaux, les ouvriers vont pouvoir se remettre à l'ouvrage, normalement la semaine prochaine, pour construire un nouveau fleuron de l'ingénierie française. Oh, et les esprits chagrins n'auront pas grand-chose à dire, parce que ce ne sera ni à Paris, ni au bord de la mer, ni même dans une grande ville, et ce ne sera pas pour les riches, mais pour les travailleurs de la terre, les paysans. Ce sera dans le département du Tarn, sur la commune de Sivens. Le département va décider cette semaine s'ils vont faire un petit ou 3 très petits barrages. Alors, il y a des rapports qui disent que le barrage sert à rien s'il est plus petit, et même s'il était plus grand d'ailleurs, que, en plus, ce serait soi-disant une catastrophe écologique que de le construire, et que d'après la période de construction, ça ferait perdre des emplois dans la région. Mais c'est n'importe quoi. Je vous rappelle quand même que ce qui est important, c'est qu'un barrage, eh ben, c'est beau. Il y en a d'autres qui disent que c'est une honte de continuer alors qu'il y a eu un mort au mois d'octobre. Super! Il faudrait qu'il s'excuse en plus. Et puis quoi encore? Qu'est-ce qu'il faisait là, celui-là, d'abord? Et puis en plus, je vous rappelle que le policier qui a lancé la grenade, il a été blanchi. Et qu'en plus, on n'utilise plus cette grenade maintenant. Vivement que le Conseil Général donne sa décision en espérant que les attaques qui ont recommencé ce matin ne ralentissent pas encore les travaux.